cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في قراءة هذه الرسالة النافعة المختصرة وهي الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. On commence à partir d'aujourd'hui dans ces nouveaux cours, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de cette risala. Et c'est une risala, elle est résumée. Ad-durratu al-mukhtasara fi mahasin ad-din al-islam. Aïe, Cheikh Sa'di, dans cette risala, il va citer les bienfaits de ce din, les mérites de ce din. Mahasin ad-din al-islam. C'est une risala nafi'a jiddan. Et تعلمون قوة الشيخ السعدي في الكتابة وفي البيان. Et ses rasailas sont simples. فعلى طلبة العلم العناية بها. Et cette risala est مهمة, comme il va nous démontrer dans cette muqaddima qu'on va essayer de lire aujourd'hui ensemble. أن المسلم il doit connaître son دين. Il doit propager son دين. Et il doit être fier de son دين. C'est une ni'ma عظيمة. لأن الكفار في هذا الزمان بالأخص ils essayent de salir l'image de l'islam avec tout ce qu'ils peuvent, avec l'amwal, avec le kadhib, avec l'aide de certains munafiqoun, zanadiqa. Ils essayent de salir l'islam. لماذا؟ لأن هذا الدين العظيم si il est propagé على صورته الحقيقية فكثير من الناس vont rentrer في هذا الدين. Ils le savent. Et cette risala qu'on va lire ensemble, Mahasin al-Din al-Islami, vous allez voir que ça va nous démontrer que هذا الدين, c'est un din de rahma. C'est un din de facilité. C'est un din qui profite à celui qui le suit, في الدنيا والآخرة. C'est que du khir. Il t'autorise des choses halal, il t'interdit les choses haram qui peuvent te faire du mal ou qui te feront du mal. C'est un digne de haq, il donne le droit à chacun, c'est un digne de adl, de justice. Et كثير من الناس الان ils sont في ضيق وتعب. لماذا؟ لانهم ils ont pas une chose sur laquelle se reposer, une chose qu'ils doivent suivre. كثير من الناس ils sont في ضلال وجهل. فهذا الدين c'est une rahma pour l'ibad. Enfin, c'est pour ça que al-kafara ils font tout pour nuire, pour salir, pour déformer هذا الدين. Et للأسف certains جهال même de notre communauté فربما يغترون ربما ils pensent que l'islam c'est l'islam que les kuffars veulent imposer avec leurs règles, un islam qui contredit pas la république, qui contredit pas la démocratie, etc. Alors que nous l'islam qu'on veut c'est islam رب العالمين عز وجل. Comme a dit جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. Nous, ce qu'on veut c'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a propagé. Un nouveau islam qui ne contredit pas leurs règles. فهذا لا. هذا الدين c'est il est fondé sur le wahy, sur la révélation. On doit faire des efforts pour connaître notre din à partir de ses sources, pas comme ils l'ont compris أعداء الله. لأن سعد سكافر il veut que ton mal. Wallah, il veut pas ton bien, comme il a démontré Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les suives, eux. Au nom de ton din, l'an. Ils te font croire que tu vas suivre ton din, lakin ils font tout pour le déformer. Il n'est pas conforme à telle chose, à telle chose, que pour qu'il soit conforme à ce qu'ils veulent, eux. فَحْذَرْ. C'est pour ça qu'on a choisi de lire cette risala, pour propager هذا الخير, pour démontrer à nos frères, pour démontrer aux gens en général, c'est quoi ce din. Les gens prennent le dîn des médias. Foulan, il a fait un attentat. Foulan, il a égorgé. Pour eux, c'est ça le dîn. Et ils disent, l'islam, c'est pas ça le dîn. Le dîn, tu reviens aux sources. Tu reviens pas à ce qu'il a fait un tel au nom de l'islam. L'islam, il contredit. Af'al ha'oula abdullal. Al-khawarij, da'ish ou autre. C'est ça qu'on veut montrer. Et c'est ça qu'on veut étudier à travers cette risala nafi'a. Et Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, il a cité une introduction tayyiba qu'on va essayer de lire aujourd'hui, bi'idhnillah jalla wa ala. Et après, il a cité des exemples pour te démontrer mahasin din al-islam, fondé sur des preuves. Ne pas faire l'erreur, surtout ne pas faire cette erreur, akhi al-karim. Tu veux connaître une chose, tu reviens pas aux sources, tu reviens à un tel il a fait. Ba'd an-nas, ils voient un musulman matalan qui s'énerve ou qui se bat ou qui vole, il pense que dîn l'islam, c'est pas bien. Lui-même, il n'a pas suivi son dîn dans ce point. Il a une faiblesse. Est-ce que ça démontre que notre dîn, il est fondé sur des faiblesses? Ou il est mauvais? On ne juge pas une chose avec ce qu'un suiveur, il fait s'il se trompe. Là, on juge la chose par rapport à ses fondements, ses sources. Enfin, l'islam, il est fondé sur le Coran et sur le Sunnah. L'islam, il est fondé sur le wahi. Al-Islam, c'est dinullah, al-haq. Donc, on revient à ses fondements, si tu veux connaître al-haq. Lakin, pour ça, il faut être véridique, il faut être objectif. Ama kathir min al-nas l'an, ils sont pas objectifs. Ils veulent pas al-haq, ils veulent salir, faqat. Wa illa, pourquoi ils reviennent pas à beaucoup de fi'l, de a'mal que les musulmans font de khayr? Ils aident les pauvres, ils aident l'orphelin, ils s'entraident entre eux, ils adorent Allah seul, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à ne pas se rebeller contre le gouverneur, ils appellent à respecter le voisin, ils appellent à prendre soin des parents, ils appellent à prendre soin des femmes. Pourquoi tout ça, ils ne le citent pas? Je trouve, ils citent que un point négatif qu'un musulman il a fait, si c'est vrai. Il y en a beaucoup de fois, c'est du kadib. Et tout ça pour salir hadad-din. Dans cette risala, Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il a cité 7 introductions et il a cité plusieurs exemples, une vingtaine qu'on va lire ensemble inshallah ta'ala wa nas'allahu azza wa jalla at-tawfiq wa sadad. Qala rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها فاحمد الله أخي الكريم سدين que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est akmalul adyan. C'est le dîn le plus complet. Limada li anna, il est venu après tous les adyan. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu après tous les rusul et l'anbiya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété had dîn. Kama qala jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dînakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dînan. Le Coran, kadhalik, il est venu et Allah il l'a fait descendre sur le prophète sallam et il a abrogé tous les livres qui étaient avant. Enfin, tout le khayr qui se trouvait dans le Torah, dans l'Injil, il est موجود في القرآن وأكثر. فهذا الدين c'est أفضل الأديان. Et هذه الأمة المحمدية c'est أفضل الأمم. كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes la meilleure communauté qui est apparue sur terre. هذه الأمة cette أمة pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé sur toutes les autres أمم c'est par rapport à هذا الدين العظيم. قال الشيخ سعدي وأعلاها وأجلها وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق. Ce دين qui est fondé sur des bases, sur des adorations. Ce dîn qui est parfait, ça nous démontre que celui qui l'a révélé, il est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce dîn, tu ne trouveras pas de contradiction. Abadan. Dans ce dîn, tu ne trouveras pas des choses qui sont mauvaises. Là. Même si c'est une chose en apparence, tu penses que c'est un mal, si tu médites et t'es objectif et t'es véridique, tu t'apercevras que c'est du khayr. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit riba, ce qu'ils appellent les intérêts, et c'est de l'usure, riba. Pourquoi? C'est que pour notre bien. Et tu vois l'un dans l'époque où on vit, le mal, combien de personnes qui sont endettées, combien de pays qu'ils ont chuté économiquement à cause de riba. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit l'alcool? C'est que pour notre bien. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit la mixité? C'est que pour notre bien. Même si le kuffar ils veulent te montrer l'inverse. Ce kuffar lui-même, qui prétend appeler à la liberté, et il est pour la mixité lui-même, quand sa femme, ou l'ayadu billah, le trompe à cause de la mixité, il n'est pas d'accord. Et il sait que le problème, ça vient de cette mixité, elle s'est mélangée avec des autres hommes. Et elle l'a trompé. C'est hudud qui combat l'ayl wa nahar. Et Allah subhanahu wa ta'ala amara bi qat'a yad as-sariq wa bi rajm az-zani. S'il était marié, ou s'il est marié, couper la main du voleur, lapider, azan, tout ça, là où ta'ammalou, c'est pour notre bien. Dans certains pays où la charia n'est pas acceptée, elle n'est pas appliquée, Rubama, il vole et il sait très bien qu'il ne risque pas grand-chose. Rubama, ce qu'il vole, il le met de côté, la peine qu'il va subir, qu'ils vont lui donner, c'est rien par rapport à ce qu'il a pris. Donc il va faire une semaine, un mois de prison et il sort. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Ce qui est adapté, c'est Sharia. Même si eux, ils prétendent le contraire. Et Cheikh Saadi, dans les 20 exemples, il va citer هذا en détail. قال وسعة العلم والحكمة ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc, ce din, c'est un dîn parfait. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il le guide. Et celui qui est guidé et qui suit hadd din, falyahmadillah. Sois fier de ton dîn. Tous se harbent l'un contre l'islam. Vous avez remarqué que l'un dans l'actualité dans le monde, ça parle que de l'islam. Se harbent l'un, cette haine et ce combat contre l'islam, c'est que parce que c'est une ni'ma et ils ne veulent pas que tu profites de cette ni'ma. Ils ne sont pas partis combattre une secte ou un groupe quelconque ou une religion qui est fondée sur le batil. Là, ils ont combattu le haq. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est le haq. Fahmadillah, c'est une ni'ma azima. Qala Cheikh Sa'di, fa hada ad-din al-islami a'zamu burhan wa ajallu shahidun lillahi bit-tafarrud bil-kamal al-mutlaq kulli wa li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam bir-risala was-sidq. Donc, hadd din, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Il est parfait dans ses noms, dans ses attributs. C'est lui qui mérite l'adoration. Et kadalik, ce din, ça nous montre que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rasoul. Et il a appelé au haqq. Il y a des choses, tu peux pas les dire de toi-même. Il y a des choses, un être humain, il peut pas les dire de lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré des choses, ça montre que c'est un rasoul. C'est pour ça que din al-islam, depuis qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans jusqu'à nos jours, walillahi alhamd, c'est un din, il a toujours le dessus. Et les suiveurs, ils font que augmenter. Pourquoi? Parce que c'est le haq. Qala wa gharadi min hadha at-ta'liq ibda'u ma wasala ilayhi 'ilmi min bayan usul mahasin hadha ad-din al-'azim. Le but de Cheikh Saadi rahimahullah, c'est de démontrer les bienfaits de notre din. Fa inni wa in kana 'amali wa ma'rifatihi taqsur kull al-qusur 'an ibda'i ba'd ma ihtawa 'alayhi hadha ad-din min al-jalali wal-jamali wal-kamal wa 'ibarati tad'uf 'an sharhihi 'ala wajhi al-ijmal fadlan 'an at-tafsil fi al-maqal. Donc il démontre annahu avec ses faiblesses, lianna mahma balagha al-insan min al-'ilm, c'est dur de citer tous les bienfaits de l'islam et démontrer la grandeur de ce dîn. Et ça, ça fait partie de la modestie du shaykh, rahimahullah. Wa illa fahuwa ahlun li hada, rahmatullah alayhi. C'est pour ça que sa risala, il a démontré avec des mots simples. Il a démontré la grandeur de ce dîn. Fa جزاه الله خيرا قال وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه من يدمونتر من سي on a des faiblesses ça veut pas dire qu'on doit tout délaisser نعم si une chose t'arrive pas à la faire complètement ça veut pas dire que tu délaisses tout tu fais par rapport à tes capacités. قال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان quand il parle d'une chose, quand il veut démontrer une chose, il démontre avec son ilm. S'il a pas d'ilm, il se tait. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ça veut pas dire que tu fais comme tu veux toi. Là, par rapport à ton wus, par rapport à ton ilm, tu dépasses pas tes capacités. قال وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة. Connaître les bienfaits de notre dîn, avec ilm bien sûr. On ne va pas parler avec sentiment, avec ta'assoub, là, avec ilm, des preuves du Coran et de la Sunna. Tu as plusieurs fawa'id. Tu as plusieurs, tu vas tirer des profits, un bénéfice azim, des points importants. Parmi ces points, قال منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة. Ça fait partie des meilleures œuvres de propager ce din, de démontrer les bienfaits de ce din. Et fil haqiqa, c'est min bab al jihad, c'est un jihad azim, jihad bil ilm, bil qalam. Annahum ils essaient de salir l'image de notre din, fa nahnu bi ilm. Et on est véridique, on démontre les bienfaits de notre din. Qala fa ma'rifatuhu wal bahthu anhu wat tafkir fihi wa suluk kull tariq yahsul ila ma'rifatihi khayrun. Parmi les choses ou les meilleures choses qui vont t'occuper, c'est de donner du temps à ce dîn, de comprendre ce dîn. Ce dîn, il est fondé sur quoi? Ce dîn, il appelle à quoi? Tu te poses la question, pourquoi le kafar al-an, il le combat? Et tu vas voir que ça va te pousser à faire des recherches et tu reviens à Ahl al-ilm. Bien sûr, on appelle à hada, à revenir à Ahl al-ilm. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont compris Hadad Din, mieux que nous. C'est eux qui ont expliqué Hadad Din dans leur ouvrage. Ta vie, ayyuha al-insan, c'est une suite de jours. Des jours après jours, plus tu avances, plus ta vie, elle diminue. Et tu vivras ma qaddarahu Allahu lak. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, Allahu a'lam bidalik. Fa profite de cette durée, profite, fais des choses qui te seront utiles, fais dunya wal akhirah. Et parmi les choses qui te seront le plus utiles, c'est d'apprendre ce din. Li annaka, tu seras interrogé, akhil kalim. Yus'al al-abd yawm al-qiyam an hada al-waqt. Tu seras interrogé sur ce temps. Li anna c'est une ni'ma. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux catégories de personnes ou beaucoup de personnes, ils seront perdants dans ces deux ni'am. Ils regretteront الصحة, la bonne santé, et الفراغ, le waqt. Et la chose, comme il nous démontre Cheikh Saadi Huna, ce temps qui est une ni'ma, la chose que tu dois t'occuper avec, la chose la plus importante, c'est de connaître ce dîn. Une connaissance avec les preuves. Pas une connaissance par l'intermédiaire des médias. Ou une connaissance par une personne qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas ce dîn. Là, chaque chose, elle a des personnes qui la maîtrisent. Fadin ou l'islam, il y a des savants qui maîtrisent ce domaine, qui comprennent, qui font des fatawa, qui expliquent. C'est pas tout le monde. Tu prends pas ce din de tout le monde. Et c'est ça le problème l'un qui arrive. Tu trouves un journaliste, et ça c'est min makrihim. Quand il se passe quelque chose, ils n'interrogent pas Ahlul Ilm. Ils savent très bien. Ils pourraient envoyer un mail, envoyer leurs questions, et les savants y répondent. Ils savent très bien. Là, ils choisissent le premier dans la rue, la ya'rif min al-islam shay, et ils le manipulent. Des questions, les réponses qu'il veut, il répond. Thumma, ça fait la une des journaux, voilà. Imma des choses qui sont pour eux ou des choses qu'ils manipulent, muhim, ça les arrange. Malgré que ce musulman ait une bonne intention, lakin c'est un jahil. On fait attention, on sera interrogé. Donc si tu veux faire du bien à ton dîn, Faire du bien à toi-même. C'est din Allah. Apprends. Fais des efforts. قال الله عز وجل فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, il jure bi nafsih. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ On les interrogera tous. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Donc, si ton temps c'était pour apprendre ce dîn et propager ce dîn, tu seras à la khayr. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. Tu seras interrogé يوم القيامة sur plusieurs choses. Quatre choses, comme le hadith Abi Barza, hadith Ibn Mas'ud, cinq choses. Muhim sur plusieurs points. Le premier, عن عمره فيما أفنى. Ta vie, la durée que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que t'en as fait? Tu seras interrogé. قَالَ وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِي مَا أَنْفَقَ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَ كَذَلِكَ son ilm, qu'est-ce qu'il en a fait? كَذَلِكَ ses biens, son argent, il a eu cet argent, d'où? C'était quoi la source de ses revenus? Est-ce que c'est halal ou haram? Wa fi ma anfaqa, dans quoi il l'a dépensé? Kadhalik an jismihi fi ma abla. Qu'est-ce qu'il a fait de cette ni'ma? As-sihha qu'on a cité fi hadith Ibn Abbas. Son corps, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a utilisé fi din? Est-ce qu'il l'a utilisé pour se rapprocher d'Allah? Ou il l'a utilisé fi al-ma'asi? Al-hadith il est fi Sunan al-Tirmidhi et il est sahih kama bayyanahu الشيخ الألباني رحمة الله عليه. Donc, la chose qui va être le plus utile, c'est de connaître ce din, de propager ce din. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومنها parmi les profits كذلك d'étudier ce din, de connaître son din, أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله. كذلك c'est une ni'ma. En faisant des efforts, en étudiant ce sujet là, ay mahasin din al-islam, les bienfaits de notre din, كذلك ça va te permettre de reconnaître ni'ma. C'est une ni'ma azima. قال وهو من اكبر الاعمال الصالحه. Ni'ma azima. لا تغتر. بعض الناس ils ont argent, ils ont une situation confortable, ils ont des maisons, ils ont femmes, enfants. Et beaucoup de choses que toi tu n'as pas, lakin la tartar. Si c'est pas un musulman, fait t'as une chose incomparable par rapport à ce qu'il a. C'est une ni'ma azima. Cette ni'ma, tu dois être fier. Tu dois être reconnaissant. Tu dois la reconnaître. كذلك cette ni'ma, tu dois la propager. كما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. Et cette ni'ma, tu dois démontrer aux gens que tu es dans une ni'ma. En propageant, en démontrant les fondements de notre dîn, il a akhir. Wa qala azza wa jalla, wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Fashkurillah subhanahu wa ta'ala, sois reconnaissant envers Allah. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. T'es sorti du ventre de ta mère, bi'idnillahi azza wa jalla. C'est Allah qui t'a créé dans ce ventre. Et c'est Allah qui a facilité que tu sortes en vie. Et c'est Allah qui t'a donné la vue, l'ouïe, qui t'a donné un cœur. Tout ça pour que tu sois reconnaissant. Enfin, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. La première et la chose principale, c'est de connaître ton dîn. Allah t'a créé que pour ce dîn. Rien d'autre. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتأملوا ce verset. ألم تروا, est-ce que vous voyez pas, أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض, tout ce qui est sur terre et كذلك dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour nous faciliter, pour qu'on l'adore. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. كَذَلِكَ il vous a donné des ni'am apparentes ou cachées. Tout ça pour qu'on soit reconnaissant. Enfin, notre dîn, ce n'est pas une étiquette. je suis musulman, c'est tout. Là, notre dîn, c'est un manhaj, c'est une voie. C'est fondé sur des choses. C'est pour ça que c'est combattu. وللأسف الآن بعض المسلمين ils essayent de propager ce dîn ou de défendre ce dîn avec des choses. En fait, ça fait que du mal au dîn. Des manifestations, des pétitions, des polémiques sur dans des plateaux télé, à la radio. Tout ça est musulman, il parle bijahl. Et il croit en son dîn, il fait du mal au dîn. Lui-même, il connaît pas son dîn. Nous, on ne rentre pas dans ces choses. On n'a rien à leur prouver. « Ahaoula al-kafara ». Lakin, on démontre et on propage « mimbab al-da'wa ». Et pour celui qui veut du khayr, il trouve le khayr. « Amma polémique avec ce adou, min a'da illahi, veut que ton mal, il fera tout pour ressortir de ce débat une chose contre toi. » Et si la personne n'est pas à la ilm, elle dira des choses contre lui et contre son dîn. « Wa huwa la yash'ur ». Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, بعد ذلك ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله دينا سواه. Et ça, tu dois le savoir et tu dois le propager. أن الله سبحانه وتعالى il accepte que ce dîn. La solution, c'est pas respecter les autres religions. Tout le monde fait ce qu'il veut, la liberté. C'est pas ça la solution. Si tu veux du bien pour les autres, si tu veux du bien pour les autres, montre-lui que Allah il accepte que dîn l'islam. Et s'il meurt à la ghayr dîn l'islam, il est fi nar wa fi khasar. C'est ça si tu veux le bien de quelqu'un. Amma ba'duhum, il veut pas vexer les autres. On est libre, t'es un croyant, je suis un croyant, on est tous à la ghayr. S'il meurt, il est fi nar, s'il meurt à la ghayr dîn l'islam. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي celui qui désire une autre religion que l'islam فلن يقبل منه الله il acceptera pas il يتعب نفسه même s'il respecte les gens même s'il est gentil même s'il est généreux Allah subhanahu wa ta'ala il accepte rien de lui وهو في الآخرة من الخاسرين في الآخرة يوم القيامة il fait partie des perdants il est في النار. لماذا لأن الدين عند الله هو الإسلام لا غير. وقال الشيخ سعدي فيكون هذا التحدث شكرا لله. تحدث c'est de tu propages ce din. Et ça c'est من باب الشكر. T'es مسلم الله t'a facilité. فparmi la reconnaissance que tu dois avoir c'est de propager التحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. قال واستدعاء للمزيد من هذه النعمة كذلك. Le fait de reconnaître cette ni'ma, la propager, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoute. Qala azza wa jal, wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, wa la in kafartum, in azabi la shadid. Wa id ta'adhana rabbukum, c'est wa'dun min Allah, une promesse d'Allah. La in shakartum, si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoutera. Si tu es reconnaissant vers ce dîn, tu le propages. Et tu ne rentres pas dans le jeu des koufars pour les satisfaire. Tu critiques ton dîn. Ou tu fais des concessions sur ton dîn que pour qu'il soit satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas satisfait de ce genre de personnes. Allah, il est satisfait de ceux qui propagent son dîn, dîn al-haq. Qala, wala in kafartum. Et si vous n'êtes pas reconnaissant, kufr al-ni'ma, in adab il est shadid. Allah, il te montre que son adab il est shadid. Donc, qu'est-ce que tu espères gagner des gens? Quoi que tu fasses, ils ne seront pas satisfaits. Al-An, par rapport à notre dîn, quoi qu'on fasse, t'appliques correctement, tu ne te mélanges pas à eux, tu es un radicaliste. Tu te mélanges pour leur montrer, tu es imposant, tu veux t'imposer. Ils ne seront pas satisfaits. Hatta tattabi' millatahum. Comme a dit Azza wa Jalla. Et même si tu es comme eux et tu te mélanges à eux, et le jour où ils trouvent une faille, ils n'ont plus besoin de toi, ils t'écartent. Comme ça arrivé à beaucoup de manières tarra biha'oula. Donc, رضي ربك satisfait Allah عز وجل et c'est Allah qui élève. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الشكر يكون بالقلب الشكر c'est avec le cœur خضوعا واستكانة donc sois reconnaissant pour rapport à ce dîn Allah سبحانه وتعالى t'a guidé avec ton cœur t'aimes Allah t'aimes sa religion t'aimes son prophète t'espères que Allah soit satisfait de toi. Tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala avec ton cœur. Et tu sais qu'il n'y a que lui qui peut donner, il n'y a que lui qui peut repousser un mal. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui mérite l'adoration. كذلك تشكر الله عز وجل قال ابن القيم وباللسان ثناء واعترافا. Tu parles en bien de ce dit. Tu sais que tu es dans une ni'ma et tu le montres. كذلك تعترف. Et كذلك tu propages et tu sais que autre que l'islam c'est batil. قال وبالجوارح. Tu es reconnaissant كذلك avec tes membres. طاعة وانقيادا. Tu te soumets à Allah seul. On n'a pas à se soumettre à autre. On se soumet à Allah Azza wa Jal seul. C'est lui qui nous a créés et il a créé jami' al-makhlouqat, al-ins wal-jin, que pour l'adorer. Donc tu n'as pas besoin de te soumettre à autre qu'Allah Azza wa Jal. On se soumet à Allah en suivant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en obéissant à nos gouverneurs fil khayr, en revenant à nos savants. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. C'est une communauté qui est à l'khayr. Ils adorent Allah, ils obéissent à leurs savants et ils reviennent. Ils obéissent à leur gouverneur dans le khayr, dans ta'a et ils reviennent à leurs savants. قال الشيخ سعدي ومنها. Et parmi les bienfaits de connaître les bienfaits de notre dîn. ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا. كذلك تعلمون أن parmi المعتقد أهل السنة c'est que l'iman il monte et il descend. Cette connaissance et ces efforts que tu vas faire en étudiant cette risala ou autre, tu connais l'islam et tu connais les bienfaits de ce dit, ça va faire monter l'iman. قال واصح يقينا فانه برهان على جميع اصول الايمان وقواعده. Ça c'est une autre ni'ma que ton iman y monte. قال الشيخ سعدي ومنها ان من اكبر الدعوه الى دين الاسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. كذلك si tu connais les bienfaits de ton din et tu connais les fondements de ton din et tu connais l'islam à la حقيقته, ça va t'ouvrir une porte عظيمه pour la da'wa. La personne qui a un عقل سليم, une فطرة سليمة, et il n'a pas été pollué par le bid'a ou le khurafat, il accepte ce message. Pourquoi? Parce que c'est dîn Rabbul Alamin. Allah, il a créé l'ibad pour qu'ils sont aptes à accepter ce dîn. Sauf Al-Mu'anid, l'orgueilleux, celui qui rejette, ou Al-Iyadu Billah, il a des choubah, il rejettera. Wa illa, fal-insan, sa fitra, elle accepte. Fa-anta, en connaissant ton dîn, c'est la meilleure da'wah. Tu montreras l'islam comme il a été révélé. Pas comme tu veux, toi. Pas pour satisfaire celui qui est en face. Là, c'est la personne qui doit se soumettre au dîn. C'est pas dîn qui doit se soumettre. Ça, c'est muhim. قَالَ فَلَوْ تَصَدَّ لِلدَّعْوَ إِلَى هَذَا الدِّينِ رِجَالِ يَشْرَحُونَ حَقَائِقَهُ وَيُبَيِّنُونَ لِلْخَلْقِ مَصَالِحَهُ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا كِفَايَةً تَامَّ فِي جَذْبِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ. Si ceux qui feraient da'wa l'an, ils connaîtraient leur dîn, dîn al-haq, comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams qui l'ont suivi après. Et il montrerait les bienfaits de ce dîn, comme si c'était dans le Coran et dans le Sunnah. La ifrat, la tafri. Pas d'exagération, pas de laxisme, pas de mensonge. Ala haq, fa kathir minan nas, ils reviendraient à ce dîn. Min al kuffar. Qala, lima yaraun min muwafaqatihi lil masalih ad-diniyya wa ad-dunyawiyya. Na'am. Il comprendrait que ce din, c'est en concordance avec cette dunya. Et c'est un profit pour eux, c'est un bien pour eux. Dunya wa ukhra. Et c'est la cause du bonheur. Et c'est ce que tout le monde recherche. C'est pour ça que tu trouves, wallahi alhamd, kathir minan nas. Ils rentrent fi din l'islam. Là, ils se rendent compte que c'est wallahi alhamd, le chemin pour réussir. Qala, وللصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين. صحيح الناس si الدعاة إلى الله ils appellent دين الحق et patient, ça serait suffisant. Des fois tu aurais même pas besoin de montrer leur égarement. Al-Haq il revient et en connaissant le Haq il sera lui-même les égarements. et des autres religions autres que l'islam, ou des pensées, ou des principes. قال فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. Si les gens ils sauraient vraiment c'est quoi l'islam, c'est quoi les fondements de l'islam, l'islam il appelle à quoi, les mérites, les bienfaits de l'islam, كثير منهم ils rentreraient في هذا الدين من هنا. Tu sais pourquoi Al-Kuffar combat Hadad-Din Leynar. Et ils essayent de salir l'image, de chouish à Sourat al-Islam, ou à Ta'n fi Hamalat al-Din al-Sahih. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si l'islam il se propage comme il était propagé à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils vont, se convertir? Al-An, avec les faiblesses qu'on a dans le da'wah et tous les efforts qu'ils font pour salir l'image, tous les jours, il y a des convertis. Et ils le savent très bien. Leurs propres enfants. Donc, ils font tout pour salir l'image. Pour arrêter cet afflux. Et beaucoup de gens, ils rentrent, ils se convertissent. Non. Enfin, tu comprends pourquoi. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire abadan. C'est hiqdun ala l'islam. Et ils ne veulent pas que leurs enfants, ils se convertissent. Et kadhalik leurs frères, leurs sœurs, etc. قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ils feront tout pour éteindre la lumière d'Allah, aidin Allah. Donc ce qu'on cite, c'est pas des choses qu'on invente. Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite, أنهم يحاولون. Ils font tout pour salir l'image, pour éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour stopper hadad-din. Lakin abshir ayyuha al-muslim, Allah subhanahu wa ta'ala qala wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Même si les kuffars ils veulent pas, ça les dérange, ils détestent hada al-shay, Allah subhanahu wa ta'ala yutim aw mutimmu nurihi. Allah subhanahu wa ta'ala il propage hadad-din fi kulli makanin wa lillahi al-hamd. فهم parmi les moyens pour salir l'islam يزعمون أي الكفار أن هذا الدين الإسلام لا يحترم المرأة. Et vous l'avez entendu, أن الإسلام, eux ils diront pas l'islam là, ils vont changer de nom, ils vont dire les radicalistes, les antéchristes, etc. لكن les textes ils sont dans le Coran, dans le Sunna. C'est pour ça que pour eux l'islam ça respecte pas la femme, le hijab, elle doit pas se mélanger, la mixité, etc. Alors que, fil haqiqa, l'aql, il sait que c'est un bien. Il sait que c'est pour préserver cette femme. C'est pour ça que, walillahi alhamd, plusieurs femmes, elles se convertissent ou elles sont dans l'islam et ça ne les dérange pas. Elles aiment. Elles aiment le hijab, elles aiment ne pas se mélanger, etc. Contrairement à eux, ils essayent de faire croire. La femme qui met le hijab, qui ne se mélange pas, forcément, elle subit une injustice. Forcément, elle est forcée. Et toutes ces millions de femmes, walillahi alhamd, qui mettent le hijab et qui ne se mélangent pas et qui acceptent. Certaines, elles ne sont pas mariées, certaines, elles n'ont pas de parents, elles n'ont pas de frères, et elles le font de elles-mêmes. يعلمون, لكن c'est من باب فقط تشويش الصور. كذلك يزعمون أن الإسلام غير صالح لهذا الزمان. كذلك prétendent, ils essayent de faire croire que l'islam, ce n'est pas compatible. C'est pour ça que l'un, ils appellent, ils font un islam compatible avec la République, avec l'islam de France. Tout ça pour combattre, soi-disant, les intégristes, et Daesh, etc. Si tu veux combattre Daesh, il faut revenir à l'aqidat al-salaf. Ça arrange rien de combattre un extrémisme, Daesh ou autre, avec changer de dîn, adapté à ce qu'ils veulent eux. Ça ne changera rien. Belle, ça fait qu'augmenter. La solution pour combattre les intégristes, les terroristes, comme ils les appellent, c'est de revenir à manhaj al-salaf. La ghayr. C'est pour ça que al-salafiyoun, walillahi alhamd, fi kulli zamanin wa makan, ils sont loin de l'aqidat al-khawarij. Mathalan, si tu prends tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, les révolutions, les gens, ils seraient revenus aux gens de la sunna. Enfin, les gens de la sunna, ils ont combattu ces révolutions. Ils ont appelé à obéir au gouverneur musulman. T'as pas besoin d'autre chose. Ammar Kuffar, ils ont aidé Haoula, ce qu'ils appellent les rebelles, ils les ont aidés. Thumma, dans leur pays, ils appellent à il faut adapter l'islam à la république. Na'oudou billah. Et d'autres choses. يحاربون الإسلام ليل نهار. لكن نحن, ça doit pas nous pousser à être injustes. abadan. Nahnu, tout ça, ça nous pousse à faire des efforts. Qala Allahu azza wa jalla, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Al-kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala démontre, innal ladhina kafaru, que ce soit les Yahoud, Nasara ou autres, yunfiquna amwalahum, ils dépensent leur argent liyasuddu an sabilillah, pour écarter les gens de din al-islam, du haqq, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nahnu, ça on le sait, pour répondre, apprends ton din. Attention, tartar bil kuffar. Ils veulent aucun bien. Celui qui veut ton bien, c'est ton frère. Ton bien, il est fi din al-islam. Il n'est pas inda a'da illa. Ils auraient du bien, ils auraient obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auraient cru en son messager. Une personne qui ne croit pas en Allah et qui ne suit pas son messager, la khayra fi. Enfin, pourquoi il te donnerait du khayr? Lui-même, il n'en a pas. Qala jalla wa'ala wa yamkurun. Wa yamkuru Allah, wallahu khayrul makirin. Yamkurun layl nahar. Ils rusent. Ils complotent, ils essayent de salir l'image, ils essayent de faire du mal, ou fil haqiqa, ils se font du mal qu'à eux. Si tu patientes et tu t'accroches à ton din, ils font du mal qu'à eux-mêmes. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a. Si vous patientez et vous craignez Allah, tout ce qu'ils font comme kayd, comme makr, ça ne vous fera aucun mal. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, wa'lam أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام. نعم, les bienfaits de ce din, ils sont dans tous les ordres que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, tous les points, que ce soit salat, que ce soit siyam, que ce soit hajj, et il va donner plusieurs exemples. وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا. Cheikh Saadi fait une précision avant de finir l'introduction qui ne va pas tout citer. C'est pour ça qu'il l'a appelé Ad-Durra Al-Mukhtasar. C'est résumé. Lakin, c'est des fondements et des exemples, ils te serviront pour tout le reste. Amma, tout citer, ça serait très long. Wa innama al-gharad dhikru amthilatin nafi'a yastadillu biha ala siwa. Et ça, c'est important. C'était des fondements, des exemples, et ça te servira pour autre chose. L'essentiel, c'est de maîtriser la base, le fondement. L'exemple qu'il va citer. قال وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول. C'est une clé, ça t'ouvrira les portes pour la suite. قال وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. Il va citer des choses qui sont liées à l'aqida, à la croyance, des adorations, des mu'amalat, des comportements pour te montrer c'est quoi le véritable islam. قال فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. هذه مقدمة نافعة إلى prochain درس إن شاء الله تعالى. نقرأ المثال الأول. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.